mardi à Assemblage Requis. Émile Gauthier nous présente la deuxième partie de son spécial camping dans sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Et Keywall fait un survol des nouveautés musicales la semaine. Soyez là, le décollage est prévu pour 15 heures. Ah Mathieu, décollage, survol, hein, tu l'aimes, hein? Puis on pourrait faire l'hôtesse de l'air.